Manyanga. Merci de rester branché sur les zones de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Les ministères du Commerce et des Finances ont conjointement signé en date du 8 août de cette année l'ordonnance portant la libéralisation du commerce du sucre et l'opérateur économique ancien ou nouveau capable d'importer cette denrée devra introduire une demande selon les conditions qui seront fixées par ces deux ministères. Le lait de vache manque cruellement dans Bujumbura, la capitale économique. Et cela fait suite au manque de moyens de transport à cause du manque du carburant et la diminution de la production du lait en cette période de la saison sèche, expliquent les propriétaires des cafétérias en zone Nebkiza ainsi que les consommateurs. Et au marché central de la province de Rumonge, le prix du kilo de la viande a été revu à la hausse de 2000 francs depuis que l'abattoir moderne fonctionnait et les bouchers avancent l'engagement de beaucoup de moyens pour fréquenter cet abattoir. Et le gouvernement du Burundi devrait renforcer les organismes nationaux de recherche pour qu'ils puissent faire des recherches pointues sur les graines de maïs hybridées au Burundi pour faire face au manque de semences selon l'analyse de Pierre Claver Nahimana, expert en agriculture et ancien ministre de l'Agriculture. Bienvenue à cette actualité. La mise en œuvre est assurée par Séraphine Hakidiman. Ouvrons ce journal par la page commerce. Les ministères du Commerce et des Finances ont conjointement signé en date du 8 août de cette année l'ordonnance portant libéralisation du commerce et du sucre. Cette ordonnance indique que tout opérateur économique capable pour importer le sucre aura rempli les conditions. Cette ordonnance stipule toutes les autorisations d'importation du sucre avec exonération déjà octroyée aux importateurs du sucre sont annulées. Ces importateurs doivent introduire une nouvelle demande selon les conditions qui seront fixées par les ministères ayant le commerce et les finances dans leurs attributions. L'organisation Parole et Action pour le changement de mentalité et le réveil des consciences par CME apprécie positivement cette libéralisation du commerce du sucre. Le prix du marché sera désormais édicté par la loi de l'offre et de la demande. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, trouve que le commerce du sucre ne sera plus contrôlé par certains individus. On l'écoute. Par ce, me sont dissatisfaits par la mesure qui vient d'être prise par le gouvernement de libéraliser le commerce du sucre. C'est une mesure qu'on avait réclamée depuis longtemps. Et cette mesure va permettre à ce que, et à travers les avantages comparatifs, une concurrence acharnée entre opérateurs économiques va s'édifier et les opérateurs économiques pourront faire entrer du sucre à partir des pays qui ont un avantage comparatif au niveau de la production du sucre. Comme ça, le prix sera le prix du marché, alors entre l'offre et la demande. Le sucre pourra être disponible, quel que soit le quoi l'importation, mais il sera disponible et le prix du marché sera celui qui va se faire à partir de la confrontation entre l'offre et la demande. Et cela va permettre à ce que l'économie et le commerce du sucre ne soient pris sous l'apanage des prédateurs. Vous savez que dans ces jours-ci, il y avait une tendance au niveau du gouvernement de confier le commerce, une activité économique sous forme de monopole à certains opérateurs économiques ou à certains agents économiques sans forme de concurrence aucune. Donc ça veut dire qu'il y avait une odeur de corruption. Le reste sera ce qu'on prenne des mesures pour laisser l'entreprise se soumettre. Dans la même page commerce, c'est le manque de moyens de transport suite au manque du carburant et la diminution de la production du lait en cette période de saison sèche. Ce sont là les principales causes qui font que le lait manque cruellement dans Bujumbura, la capitale économique. À Bouiza, là où nos confrères ont tendu le micro, les consommateurs et les propriétaires des cafétérias disent que cette pénurie du lait de vache vient de durer une période des mois. Ils demandent qu'une solution soit trouvée aux facteurs qui favorisent son manque criant du lait de vache. Une information que nous devons à notre confrère Jean-Marie Thierry Mayunga. Dans certains cafétérias visités en mairie de Bujumbura, les responsables de ces cafétérias expliquent que dans ces jours-ci, ils ne vendent pas du lait comme il faut. Ces responsables des cafétérias signalent qu'une période de 2 mois vient de passer sans avoir du lait en quantité suffisante. Ils disent que parmi eux, il y avait ceux qui recevaient 120 litres, mais aujourd'hui, ils ne reçoivent que 10 litres. Les raisons avancées par ces vendeurs sont le manque de carburant qui entrave le déplacement pour arriver où ils peuvent trouver du lait en quantité suffisante. D'autres signalent que c'est parce que nous sommes dans une période de la saison sèche. Suite à cette situation, ces responsables des cafétérias disent qu'ils travaillent à perte. Nous avons le manque de lait depuis il y a une semaine que nous n'avons jamais dit. Il y a 2 semaines, auparavant, j'avais reçu 120 litres, on descend à 60 litres ici. L'avant-hier, j'avais reçu 9 litres seulement. Les gens qui nous fournissent du lait nous avons annoncé que c'est le problème du déplacement lors de la transport à cause du carburant et là où compte qu'on reporte ce lait. Un des consommateurs de ce produit dit que quand il ne trouve pas du lait, ça lui fait mal. Tous demandent que cette question de manque du lait trouve une solution. Ce que nous demandons, c'est que pour les gens, les propriétaires, bien les gens que nous pouvons nous aider de recevoir du lait afin que nous puissions continuer notre travail. Ce manque du lait, d'après ces responsables des cafétérias, s'observe dans différents coins de la capitale économique du pays Bujumbura. Hausse de 2000 francs bout sur le prix du kilo de viande de vache au marché central de Rumonge depuis que l'abattoir moderne de Rumonge fonctionnait. Les bouchers expliquent qu'ils engagent beaucoup de dépenses en fréquentant cet abattoir. Le conseil communal de Rumonge, de son côté, dit qu'il n'y a aucune raison qui expliquerait cette hausse, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? Depuis le début des activités à l'abattoir moderne de Rumonge, sise sur la colline Mutambara en juillet dernier, le prix du kilo de la viande de vache avec os est passé de 13 000 francs burundais à 15 000 francs burundais au moment où le prix du kilo de viande sans os est passé de 15 000 à 17 000 francs burundais selon les consommateurs s'approvisionnant au marché central de Rumonge. Les bouchers expliquent cette hausse par le fait qu'en plus des frais d'abattage, ils dépensent des frais de transport de la viande de Mutambara vers la ville de Rumonge. Mais au niveau du conseil communal de Rumonge, l'on informe qu'il n'y a aucun argument convaincant pouvant expliquer cette hausse. Lors de sa réunion extraordinaire de ce mercredi, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge et secrétaire du conseil de la dite commune, a expliqué que les frais d'abattage évalués à 30 000 francs burundais par vache abattue et 8 000 francs burundais par caprin abattu ont été fixés après une analyse concertée avec les bouchers des frais engagés si l'abattage se fait chez un particulier. Sur le problème de transport de la viande de Mutambara vers la ville de Rumonge, jugé élevé par les bouchers et non hygiénique par les consommateurs, le conseil communal de Rumonge a décidé l'achat de 3 tricycles munis de contenants fermés d'une capacité d'une tonne chacun afin d'approvisionner en viande dans un délai raisonnable toutes les 6 zones de la commune Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Restons au sud du pays pour parler sécurité. Un homme est mort à son domicile le matin de ce jeudi sur la colline Gihinga en zone Binyuro de la commune Vianda, province Bururi. Selon ses voisins, son corps avait des saignements au niveau du nez et de la bouche. Il avait aussi des traces au niveau de la tête qui témoignent qu'il a été tué, battu à l'aide d'un objet. Les conflits familiaux avec sa femme, déjà soupçonnée auteur de son meurtre, seraient à l'origine, selon les mêmes sources, certains de la population de Gihinga demandent que cette femme soit arrêtée et interrogée sur la mort de son mari. Alexis Chimilimana, administrateur de la commune Vianda, indique qu'ils sont à la recherche de cette femme depuis le soir de ce jeudi pour que les enquêtes déjà commencées par la police puissent continuer. Page agriculture, le gouvernement burundais devrait renforcer les organismes nationaux de recherche pour qu'ils puissent faire des recherches pointues sur les graines de maïs hybrides au Burundi. C'est l'analyse d'un expert dans le domaine agricole qui fut le ministre de l'Agriculture au moment où les agriculteurs de maïs déplorent la carence des semences des maïs hybrides partout dans le pays. Au moment où la saison culturelle approche, il précise que si ces semences ne sont pas disponibles, la population va être touchée par la famine. On l'écoute. Les semences de maïs hybrides ne sont pas produites ici. Donc ça veut dire quoi ? On a vu effectivement il y a quelques années que le pays commençait à introduire des maïs hybrides et qui produisaient beaucoup. On a vu dans certaines vallées dans le pays, on voyait ce qu'on ne voyait pas avant, tout à coup des champs de maïs qui sont très beaux, qui produisent beaucoup. Alors c'était des maïs provenant de semences hybrides, mais elles étaient importées. Maintenant, le problème qui se pose, le maïs c'est facile à cultiver, si on a des semences, si on a de la fumure, c'est relativement plus facile. Et ce qui se passe, c'est que si on reste dans ce système d'importation de semences, on peut se retrouver dans des conditions telles qu'effectivement, ces semences manquent. Surtout dans cette période, on parle de problèmes de manque de devises. Lorsque vous allez à l'extérieur du pays pour commander des semences, vous payez en devises. On peut se retrouver facilement dans une situation où on n'a pas suffisamment de devises pour importer suffisamment de semences qu'on peut distribuer à toutes les populations qui en ont besoin. Parce que le maïs il est cultivé un peu partout dans le Burundi. Il faut que actuellement les organismes de recherche que nous avons au Burundi, ils aient les moyens nécessaires pour qu'ils commencent à faire de la recherche sur le maïs afin que nous puissions avoir nous-mêmes sur place des variétés hybrides produites sur place. C'est possible, il faut y mettre les moyens. Il y a des pays africains qui le font. Donc eux aussi, ils ont commencé et petit à petit, ils sont arrivés. Pierre Clavernaïman a été au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Les enfants en vacances des communes Kayanza et Muruta qui exercent l'activité génératrice de revenus liés à la vente des cannes à sucre qu'ils s'approvisionnent en commune Gatara disent que cette activité leur permet de contribuer dans l'achat des matériels scolaires à la rentrée scolaire. Les parents de ces enfants disent se réjouir de cette activité. Godefroy Nyonidigie, administrateur communal de Kayanza invite les parents de ces enfants à éviter qu'ils exercent des activités qui peuvent nuire à leur santé. Le détail avec Patrick Saint-Guillaume. Ces enfants en vacances dans des communes Muruta et Kayanza qui vendent de la canne à sucre comme activité génératrice de revenus s'approvisionnent en ce produit dans le marais de Gitagila en commune Gatara à 30 km du chef-lieu de la province Kayanza. Quand nous les avons rencontrés en commune Gatara, ils nous ont indiqué que l'idée d'entreprendre dans cette activité pendant les vacances a jailli après avoir penser à leur contribution dans l'achat de certains des matières scolaires bientôt à la rentrée scolaire de l'année scolaire 2024-2025. Ces enfants en vacances vendeurs de la canne à sucre font savoir que ce sont leurs parents qui leur ont donné le capital pour démarrer cette activité. Ils appellent d'autres enfants en vacances à retrousser les manches et à entreprendre des activités génératrices de revenus qui leur permettront à contribuer dans l'achat des matériels scolaires. Interroger les parents de ces enfants entrepreneurs en vacances à ce sujet, ceux-ci nous ont fait savoir qu'ils seraient réjouissent beaucoup des activités génératrices de revenus exercées par leurs enfants en vacances, expliquant que l'argent obtenu contribue énormément à la préparation de la rentrée scolaire. Godefroy Nyonizigie, administrateur communal et Kayanza, apprécie positivement cette initiative de certains des enfants en vacances d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Cette autorité administrative communale et Kayanza leur demande d'éviter des activités qui ne sont pas compatibles à leur âge, c'est-à-dire qui pourraient nuire à leur santé. Précise-t-il. Godefroy Nyonizigie demande également à ses enfants en vacances de toujours respecter les parents et les administratifs. Signalons que pendant les vacances d'été, en province Kayanza, à part le petit commerce, la fabrication des briques cuites et les transports sont aussi d'autres activités génératrices de revenus qui occupent beaucoup les enfants scolarisés. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Sanganilo. Parlons sport. Avant de boucler cette édition, le suivi régulier d'un athlète accompagné d'une offre de moyens financiers est la meilleure façon de stimuler les athlètes burundais et les encourager à mieux représenter le pays dans des championnats internationaux. Analyse de Célestin Mvutsebanga, professeur à l'Université du Burundi, expert en politique et de développement du sport, se basant sur les performances de ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques de Paris. Il affirme que le Burundi dispose des athlètes compétents. On l'écoute. C'est plus important que le ministère s'implique s'il s'agit d'une sortie nationale. Et comme ça, le gouvernement aussi fera un effort de chercher les moyens possibles pour soutenir les athlètes qui représentent le pays. Il faut impliquer aussi les sponsors, tout ce qu'ils peuvent contribuer. Mais peut-être que la loi sur le sponsoring freine. Ah oui, il y a la loi sur le sponsoring qui n'est pas disponible pour le moment, mais bon. La loi sur le sport est là, même si on l'utilise à bon escient, pour le moment, ça peut quand même contribuer à l'efficacité de cette organisation. Seulement qu'il y a aussi des textes d'application qui manquent et qui pourraient effectivement compléter la bonne organisation de cela. Mais on espère qu'à tout moment, si la politique nationale du sport sera mise en place, ça pourra encore arranger facilement les choses. Mais je me dis que sans même la politique, si on applique correctement le contenu de ce qui est dans la loi du sport, pour le moment, ça peut sauver ce qu'il faut sauver. En général, quoi faire pour développer le sport au Burundi? Il faut un débat. Un débat qui parlerait des défis aussi du sport burundais. En continuant le débat. Pas seulement une intervention, mais des débats à la fois aussi scientifiques, à la fois aussi professionnels, qui font intervenir tous les professionnels du sport, tous les intervenants, les journalistes, les techniciens, les scientifiques, et tout cela, l'administration du sport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment faire? Et comment peut-être rester toujours dans ce dynamisme du développement? Le paiement du sport, chacun dans son domaine. Comme ça, ça pourrait contribuer ou ça pourrait même motiver ou donner l'engouement à tous ces intervenants de rester toujours dans le dynamisme du développement du sport et aussi avoir des informations à jour sur la façon dont on doit faire pour développer le sport. Célestin Mvutsebanga était au micro d'Omer Ndouaïo. Voilà, c'est par ici que se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation de cette actualité, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiro.